L'inconnu de Pérol, CD numéro 7. Nonchalant comme à son habitude, Jacques Médéric s'exprimait lentement, laissant toutes ses fins de phrases en suspens. C'était un homme réfléchi, très humain, qui n'avait jamais cherché à faire carrière et consacrait tout son temps à ses malades. Il arrivait tôt, partait tard, prenait la peine d'écouter chacun à longueur de journée, qu'il s'agisse de ses collaborateurs ou de ses patients. Sa seule angoisse semblait être son départ à la retraite, qu'il différait chaque année. « Ah, Nadine » soupira-t-il en prenant le gobelet de café que lui tendait Lebel. « Figurez-vous que nous avons été étudiants ensemble. Cela ne date pas d'hier. » Elle n'était ni jolie ni souriante, le genre de fille qui passe totalement inaperçue. Sauf les jours où on publiait le résultat des examens. Une vraie bête à concours, avec une capacité de travail qu'elle a conservée depuis. Je lis volontiers ce qu'elle publie, c'est toujours remarquable. Vraiment, on peut dire qu'elle a fait un sacré bout de chemin, la petite Montag. Après un instant de stupeur, Pascal répéta lentement, persuadé d'avoir mal compris. Montag ? Oui, Nadine Montag, devenue Madame Clément. J'étais d'ailleurs à son mariage. Mon Dieu, c'est loin tout ça. Allez, je vous laisse. Nous avons tous du travail. Et merci pour le café. Il s'éloigna de sa démarche mesurée, qui lui donnait toujours l'air d'être plongé dans une profonde réflexion. Pascal le suivit des yeux, sous le choc. Quelque chose ne va pas, s'enquit Lebel avec sollicitude. Ce n'est rien, bredouilla Pascal. Une coïncidence. Le nom de jeune fille de ma mère était Montag aussi. Lebel éclata de rire et se mit à tapoter gentiment l'épaule de Pascal. « Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas appartenir à la même famille que Nadine Clément. C'est tout bonnement impossible. » L'idée semblait beaucoup l'amuser, mais Pascal ne parvint même pas à sourire.